music, dubstep, grime, jungle, drum and bass, liquid, tous les vendredis à 17h en direct de la radio ou autant de fois que tu veux en podcast sur le site de la radio. Salut, salut, ici Anna Cooks de la Charbonnerie, comme tous les vendredis, ton rendez-vous bass music, mais qui va être un petit peu spécial aujourd'hui, parce que tu en as sans doute entendu parler, mais toute cette semaine, il y a un festival radio duo phonique spécial Furious Furania, où il y a quatre vinyles et un magazine qui vont sortir officiellement le 25 novembre prochain, voilà, qui vont représenter toute la scène underground stéphanoise, en gros des années 80 jusqu'aux années 2020 à peu près. Donc dans le cadre de ce festival, bah aujourd'hui, la Charbonnerie est heureuse d'accueillir Jus, qu'on connaît plutôt du pied de biche, mais qui nous parlera essentiellement des méchants enfants. Crayon, très actif au sein de Red Bong, et aussi qui nous parlera du coup des autres collectifs plutôt hip-hop. Et il y aura Dim qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Et sans plus attendre, on va te faire découvrir du coup un extrait de cette... un morceau entier même de cette compile. Parce que bah, y a la comparse de la Charbonnerie qui a un de ses morceaux qui est dans cette compile. J'ai nommé Radical Jungle Hip Hop. Donc let's go, c'est pour toi, c'est dans tes oreilles maintenant. Personnages qui perdent leurs âmes, univers sordide, des croyances en errance, idées stupides, la même histoire sans le vouloir, mémoire sélective, égoïsme primitif, servitude passive. Your cell phone, your want, your time, your ideas, no barcode, no party, no ID. Statique face au désespoir, annonce la couleur, l'heure du noir. Répétition, le futur, l'histoire à quelques ratures, ratures sans état d'âme, irrégulier au pire en géant. L'état drame, servitude passive, un récidive. Contemplation et récidive. Et tout le moment, on casse départ, on banalise sans analyse, un autre large. Choisis un sens à l'hémicycle. Subsiste ou subit, tu penses, tu parles. Puis imaginer l'ambition sans rétrospective. Satisfait de comparaison intempestive. L'objectif, on est content d'avoir ou d'être voleur. Figé uniforme, licorne, chimère. Plus conscient, continent, incontinent. On pisse sur le profit qui réprime. On glisse dans la contemplation qui imprime nos rétines. Objectif, performance, parcours illogique, paradoxe gênant, manutention plaisante, réflexion hésitante, confort gagnant, action numérique, servitude passive. Soit-il discussion de merde, débat stérile, raccourci, agile, interminable. Avec, sans être avec, des relations, voit l'échec. Être là, sans être là, la passivité déjà vie par procuration, préoccupation future. Présent et réel aujourd'hui là, maintenant rien ne m'en empêche, mais rien ne le permet. Aussi souci aura de gloire avec, on pense à tort, on pense à tort, effort aléatoire, hyperactivité. Désolé, la vie m'a guidé, absence de perspective, essence. La prime pour la capture de cet homme est de 5 000 $. Un certain Judas a trouvé que 30 $, c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait. Et des fils de pute, j'en leur encore sur les faces A, les faces B, les faces C, les faces D de n'importe quel vinyle ou n'importe quel CD. Qu'ils aillent tous crever, on torche le cas de vos flyers et vos photos de concert. Mon chat s'en sert de litière, dégage vite de ce disque avec des couplets mielleux et leurs refrains qui valent pas mieux. Pas t'accorder, apprendre à chanter votre musique pourrie, puis la mort comme ce conte, l'ennemi, TDC, du caviar au cochon. Il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un son, bien torché. On pose une galette dans ton salon, on relève le niveau de certains, on terre les autres sous les parpaings. Alors guignol, t'as failli crever avant d'être sur cette compile. Voilà c'est bon, brûle ton cadavre comme du charbon. Fier, t'as laissé une trace de merde sur tes enfants. Que celui qui n'est pas content dégage le disque et meurt maintenant. De la musique pour les vieux qui peuvent plus bander. Écoute ce titre et va te branler. Tu veux un scoop, une nouveauté, c'est pas ici que tu vas le trouver. T'as encore là râler sur ta vie de misère, sur ta vie de merde. Dans la musique, heureusement qu'on le fasse sur vous pour percer. Limite le dernier fut pas entamé. Le retour du sion dans le salon des bobos. Au fond des caves, toujours les mêmes pare-chauds. Côte de Port, Western, Fayot, et ouais gros, t'as bien giné. 166, 440, les plus forts sur les compiles de merde toute l'année. Mais des fils de pute, ça y en avait. Toujours de mauvais goût, jamais de trêve pour les relous. À l'ancienne, toxicomanie par les veines. Film italien et double peine. Vu le thème, les slogans sont faciles. Pour une poignée de connards, par et pour des vieux cons. Une clé USB gavée de ceux qui manquent, vivants ou non. Ça finira en fauteuil roulant, couche adulte remplie. À raconter que tu as cassé ton violon sur la tête de l'adjoint à la culture. Y'aura pas de sub mais une bonne biture. On capte rien à ce qui se passe, c'est l'autre qui branche sa basse. La tronche de ses poteaux, la bande de mec tout palo. Bien la semaine de tourner la face dans le caniveau. Faudrait faire un check genre cœur et chicot. Joue ta valse sans star, c'est grave tard. Réveillé dans l'urine, les babines en sang pour une soirée coquine. Vrai gland, dont surélevé le trou du cul de Jésus. C'est passé comme une lettre à la poste, ni vu ni connu. Chier sur les blaireaux, écran plat, Michel Drucker fait rétro. Les belles années sont derrière, 2018 tenir debout. Ah bon, finir au lever du jour, rebout au vin rouge. Des vinyles pour se rassurer, des inédits et quelques vieilleries. Si tu manques la corde, ne manque pas le pendu. Fils de pute, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000$. Fils de pute. Ouverture très hip-hop, du coup tu es sur le 89.5, émission spéciale Furieuse Furania avec la charbonnerie aujourd'hui. On accueille Crayon et Jus. Voilà, il y a eu plein de. Enfin, en fait, ça fait des années qu'il y a une activité incessante sur la scène underground stéphanoise. Et là, je vais te balancer tout de suite un son de Back in the Days qui fait partie de Original Breakbeat Industries, très actif aussi sur la scène électro, assez bass music aussi. C'est dans tes oreilles tout de suite et Jus et Crayon se préparent. Thank you. Et là, c'était Baking's Days dans tes oreilles. Salut à toi si tu viens d'arriver sur les ondes, c'est 89.5. Anna Cooks qui prend le contrôle pendant 2 heures et j'ai jus et crayon avec moi pour la spéciale Furieuse Furania. J'ai réussi à le dire. Du coup, bah, pour parler des différentes initiatives underground qu'il y avait au début des années 2000. Et du coup, Baking's Days des méchants enfants. C'est ça. Bah parle-nous donc de ces méchants enfants, bah comment nous, ils existaient, nous on était un petit son de système techno, voilà, on n'avait pas beaucoup de matériel, mais le projet c'était d'être là tous les week-ends, tout le temps. Ok. Hiver, été, on a ouvert après un magasin de disques, une salle de concert. Rien que ça. Avant de se séparer pour... incompatibilité d'humeur avec certains réseaux de la free party. Vous étiez combien ? Dans le noyau dur, on était 4. Ok. Beaucoup difficile. Après, on était nombreux, mais noyau dur, vraiment, on était 4. Ouais. T'arriverais à situer, en termes d'époque, ça se situait quand, les méchants enfants ? Je crois que 82. Qu'on a vraiment attaqué, c'était en 2000-2001. Et on a arrêté, je crois, en 2010, me semble-t-il. Donc une décennie quoi, voilà. D'activité. Quand tu parles de salle de concert, c'était où ? On avait à Bellevue, Furania, elle s'appelait. Ok. Voilà, on avait ouvert ça un peu avant l'ouverture du fil. Et on a tenu 3 mois avant de se faire fermer par la mairie, voilà. Ah, ok. Parce que du coup, c'était un peu le bordel. Puis on était dans une cour d'immeuble avec des banques dans l'immeuble et tout. Enfin, du coup, voilà. Malgré tout le boulot qui avait été fait d'insonorisation, ça a pas plu. Ok. Vous faisiez une émission de radio aussi ? Oui, oui, bah ouais, on avait Onde Corrosive du coup sur Radio Audio, une émission que techno et que live. Voilà. Qui a duré combien de temps ? 3-4 ans. Ok. Voilà. Yes, trop bien. Et ben on va continuer un petit peu de découvrir cette époque avec un autre morceau de Baking the Days, ou non, d'Icar, pardon. Ouais, c'est ça. Et Icar, du coup, qui fait partie... des méchants enfants aussi, et d'Obéi, et du coup. Local Obéi, ouais. Ok, Original Breakbeat Industries, je préfère préciser pour nos auditeurs, qui était aussi, très actif. Back in the Days et Icar, c'était aussi le duo Nasty Binaries. Nasty Binaries, ouais. Ok, et ben on écoute Icar tout de suite sur les ondes. Il est 17h20 et on y va fort dès le début de l'émission. Voilà, t'es dingue. T'étais sans doute pas prêt, mais au moins on t'a mis dans l'ambiance parce que dans le cadre de Furious Furania, voilà, spéciale émission cette semaine. Donc voilà, j'ai Ju à ma droite qui faisait partie des méchants enfants, donc qui nous a parlé des soirées donc hebdomadaires. Qui c'est pleuve, ça. Qui vente, qui neige ou qui fasse canicule, ça c'est incroyable. Et du coup, vous vous posiez où Beaucoup dans le coin, on avait notre site, c'était au Tracol. Du coup, c'était vers Saint-Sauveur, tout ça, perdu dans les bois. Okay. Il y avait genre 3 km de chemin à 5 km heure à faire. Perdu, moi. Sinon, tu cassais ton moteur dans les cailloux. C'était vraiment l'endroit le plus paumé qu'on ait trouvé. Puis après, on posait voilà, un peu partout. Et ce que tu disais hors micro, c'est que vous programmiez des groupes. Voilà, on aimait bien faire... on avait un peu repris le flambeau des Alternative Systems qui étaient là bien avant nous et qui ont arrêté. Du coup, c'est vrai que nous, on a un peu pris la place. Ouais. Et du coup, voilà, eux, ils faisaient beaucoup de manifs, beaucoup de concerts avant leur teuf et tout, et nous c'est un truc qui nous plaisait, donc on a fait on a un peu suivi le truc, on a beaucoup fait jouer les Dandy Freaks voilà, big up voilà, à Rodolphe qui était censé être avec nous ce soir mais qui ne peut pas être parmi on nous. On avait fait jouer les KNX aussi, des groupes de Lyon voilà, des groupes de Marseille aussi, enfin on essayait de... Et vous brassiez jusqu'à combien de personnes? Ça dépendait en fait. Ouais. Ça dépendait. Oui, j'imagine, mais vos grosses... Les grosses soirées, on a été jusqu'à 2000-2500 personnes. Okay. Et alors du coup, en termes d'occupation, parce que du coup, les fêtes techno, c'était aussi des occupations sauvages. Ouais. Des anecdotes avec, je sais pas, les locaux ou les policiers. Les policiers surtout, quoi. Qui venaient... Enfin, on a alors, souvent... qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, ils venaient nous saisir, on leur disait que non, et puis du coup, ça faisait comme dans toutes les free parties. À l'époque, c'était un petit peu moins sévère que maintenant, je pense. Parce que vous, en fait, vous avez commencé à poser dans le contexte de la loi Mariani. C'est ça. Où il y avait cette interdiction et la possible saisie des sons de système. C'est ça. Des gens qui posaient en sauvage, du coup. C'est ça, c'est aussi pour ça que pendant près de 2 ans, on a fait beaucoup de street parties dans Saint-Étienne en manif. Parce que dans la loi Mariani, ce que peu de gens savent finalement, c'est que Sarkozy avait rajouté un arrêté qui disait que en fait, chaque préfecture devait fournir un terrain pour les soirées techno de plus de 500 personnes, devait avoir un terrain exprès pour ça. Chaque préfecture en France. Et alors, qu'est-ce qu'il disait la préfecture de Saint-Étienne? Nous, la préfecture de Saint-Étienne, ils nous avaient donné un terrain, mais qui était pollué, qu'on ne pouvait pas utiliser. Du coup, on avait... Une déchetterie. Du coup, il y en avait pour 6 ans de dépollution, je crois, si je me rappelle. Du coup, on avait fait beaucoup de manifs place Jean Jaurès, où on arrivait le samedi à 14h, on posait son système et on restait jusqu'à 19h. Et... on a cru que ça avait fini par payer, parce que du coup, on avait eu des rendez-vous avec le cabinet du préfet. Il nous avait dit, si vous vous connaissez un terrain, dites-nous-le. Et à l'époque, il y avait le col de Leuillon, l'ancien hôtel brûlé là-haut, qui maintenant, après ça a été une ancienne base militaire et après c'était abandonné. Et du coup, on avait dit, là-haut, c'est bien, on connaît bien le site, il y a de quoi garer des véhicules. Et on avait organisé un gros festoche avec 2 scènes, une scène concert, une scène techno. Et quand on est arrivé sur place, parce que nous on est un friparteux, du coup voilà, c'est pas comme les autres festivals. Nous on est arrivé, c'était 11h du matin sur le site pour préparer tout ça. Et en fait les gendarmes avaient bloqué tout le truc. Et du coup on a fait pression sur le cabinet du préfet toute la journée en lui disant non mais nous en fait on s'en fout, la soirée est prévue, les gens arrivent, donc maintenant c'est ou vous nous donnez un terrain ou alors nous on vient et on fait le festival place Jean Jaurès et vous savez qu'on en est capable. Et du coup ils nous ont dit oui c'est bon, allez vous poser là où vous voulez, sauf qu'en fait ils nous ont quand même envoyé les hélicoptères et qu'on a quand même fini en garde à vue et voilà. Et vous avez posé en ville des fois? Ouais, pour les manifs, on aimait bien. Et vous n'avez jamais occupé des usines ou des trucs comme ça? On avait fait un truc où, là où il y a maintenant le laser game, là. Un style. Je crois que tu faisais partie du merdier aussi. Au festival des résistances. Voilà. Et, mais oui. le laser game le long de la voie rapide vers Bellevue. C'était une soirée canapé où il y avait plein de canapés récupérés. Ouais. Tout le monde, toute la soirée, est parti avec des canapés. C'est vrai. Mon Dieu. Et voilà, on avait... souvent aussi, on prêtait notre matériel au local 100% à l'époque pour des concerts punk et tout. Du coup, souvent... On n'hésitait pas à participer aussi au reste du merdier ambiant. Et vous aviez une infoline ? Comment les gens étaient au courant ? Nous, et tu te souviens de l'infoline alors ? 36 72 42 42 42. Ouais, c'est gravé dans ton cerveau. Bah, c'est pas difficile. Ok. On avait même fait une intro de morceau où, pour une compile breakbeat d'OBI, du coup, où en fait, l'intro de la compile et du morceau. Sous fond de violon et de rythme hip-hop, c'était l'infoline du Tracol, notre site où on posait tout le temps, et voilà. Et alors, ça fait une chouette transition, les liens entre OBI, Méchants Enfants, c'est... Bah, c'est après Méchants Enfants, quand on a arrêté le son, on est parti sur d'autres choses. OBI existait déjà, c'était le label à la base de Seb, Icar, qui avait monté ce truc, lui... pas de son côté, mais voilà, c'était son truc à lui. Et du coup, on avait... Après, voilà, ça a splitté sur OBI, en fait. Le local OBI, le label, et voilà. Tu peux le situer, le local OBI, il était où ? Rue des Frères Chappe. Ouais, alors, le numéro, je sais cave. Plus du tout. C'était ouais. En dessous des caves. Ouais, ouais. C'était underground de chez Underground. Et c'était super beau, en plus, parce que ça faisait pas du tout cave. Ça faisait vraiment un vrai petit club. Ouais. Et c'était vraiment des très bonnes soirées. Mais il y avait un voisin vraiment super relou à l'étage. C'était un voisin, quoi. Parce que du coup, effectivement, c'était quand même le merdier. Je veux dire, c'était quand même un peu le merdier. Mais c'est marrant parce que... C'est quand même assez fou, parce que c'était ce qu'il faut situer, c'est que c'était quand même dans une allée, quoi. Dans un immeuble résidentiel, voilà. Où il y avait des gens qui habitaient. C'est ouf. Et où il y avait des soirées jusqu'au bout de la nuit. Mais faut quand même signaler aussi que le seul voisin qui s'est toujours plaint du petit bruit qu'il y avait, c'est un voisin qui a fait partie de la scène underground Indus de Saint-Étienne. Voilà. Et c'était le seul qui se plaignait du bruit. Qui est dans la compile. Alors que lui, il passait ses journées, ses soirées à faire du drone dans sa maison. Voilà. On balance pas de blague, on voit qui c'est. On voit c'est qui. La grosse private joke. Ok. On va continuer à se mettre dans cette ambiance début 2000 avec le morceau qui suit, qui est une prod du coup de toi, Jus. Ouais, de moi et Seb. Ouais. Donc... Un petit remix de 50 Cent en rigolant, voilà. Allez. Écoutons ça. Prends garde à toi, Curtis. We'll be right back. Production presque breakbeat proposée par Ju et Seb. PTP et Icar. Alright, il y avait du monde. Ça veut dire quoi PTP ? Pourquoi tu perches ? Après ça voulait dire. Je regrette d'avoir posé la question. Après ça voulait dire plein de trucs aussi. Hein. À une époque écolo, c'était protège ta planète. J'ai fait promène ton porc aussi. Pourquoi tu penches ? Enfin voilà, ce. On les a toutes extensible, faites. Extensible. Yes, bah de 50 Cent, on enchaîne sur Red 50 Cent, ouais, bah ouais, on va, il n'y a qu'un pas. Les 50 Cent français. Voilà. Très bonne transition. Mais alors, les débuts de Red Bond, 98 ? 98, ouais. Ouais, ouais. On wow, vous aviez quel âge ? On avait 21 ans déjà. Il venait de naître. C'est de me faire passer pour un mec vieux. On avait déjà 21 ans. On n'était pas si jeunes que ça. Et alors ? Ça attaque comment Red Bong, il y a qui au début ? Eh bien, les mêmes que depuis le début, en fait. C'est, donc, il y a Nico, Selecta Pastoug, qui fait les sons avec Fab, alias Le Dubang. Et nous, au micro, votre serviteur, et un mec qui s'appelle Dan, que peut-être certains connaissent d'entre vous, qui s'appelle MC Pompi. Je ne sais pas si c'est connu, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du truc. Vite fait. MC Pompi. Et donc voilà, on est quatre et nous on écoute beaucoup de rap avec Dan et Fab et Nico sont plus justement sur des sons techno et tout. Et en fait, ils achètent un sampleur et on commence à faire des instrus plutôt hip-hop et on commence à rapper dessus. Et voilà, ça se fait un peu organiquement, mais sans vraiment réfléchir à dire on va faire un groupe de rap ou machin. Et d'ailleurs, ça se ressent sur les premiers sons, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du rap et en même temps on fait de la jungle. On fait du raga, on fait, ça part un peu dans tous les sens. Et au même moment à Saint-Étienne, vous jouez avec qui ? Et ben à ce moment-là, en fait, il y a pas beaucoup de groupes de rap. En fait, il y en a trois. Il y a Escacrou, Mourad tout seul, puisque c'est même pas encore Escacrou, c'est SK, c'est Mourad tout seul, qui lui est un peu affilié à l'armée du Ruban Rouge, je pense. Enfin, j'ai perdu une bêtise, mais je crois qui est un groupe lyonnais, qui était le groupe un peu historique lyonnais de hip-hop. Et surtout, cinquième co entre Fisto et Piloufaz, donc entre Saint-Té et Montbrison, qui eux, par contre, sont un groupe vraiment hip-hop français à l'époque, vraiment dans le délire, avec des influences type, je dirais, Chien de Paille, enfin, tous ces trucs un peu lyricistes qui parleront aux plus âgés et puis aux plus costauds en culture hip-hop, je pense. Mais... Et alors vous, c'est ce qu'on disait à l'époque, on vous classait pas vraiment dans le truc hip-hop, vous étiez une sorte de truc mutant, un peu, je dirais, comme Rage Against the Machine était un truc mutant. Mais on savait pas trop comment vous classer. Et en fait, vous au départ vous vous dites on fait du hip hop, mais finalement ça donne ce truc un peu mutant où quand même il y a l'empreinte électronique qui est bien réelle. Mais c'est ça, c'est que je te dis, c'est qu'en fait on se dit pas viens on fait du rap, en fait on dit viens on fait de la musique. C'est souvent viens on fait de la musique en fait. Mm. C'est souvent qu'on a dit ça en fait, mais ça fait un peu pompeux. Mais c'était vraiment ça, c'était qu'en fait on écoutait justement en fait, nous on allait dans les teufs avec les haltères, on allait voir des trucs punk au Mistral gagnant, tout ça machin. En fait on était vraiment gavé d'influences qui étaient souvent pas du tout rap en fait. Premier groupe de fusion de Saint-Étienne. Bah, ouais, je sais pas, non, il y en avait d'autres. Mais ce côté comme ça aussi, c'est vous aviez un liveur derrière vous et pas un DJ quoi. Enfin, du coup, tout il y avait de suite, pas de scratch. Il y avait un live tout de suite, ça change toute la construction du groupe quoi. Exactement, on n'avait pas de MPC parce que le MPC a eu tendance à cette boîte à rythme a eu tendance à vachement formater les sons et notamment les beats des rappeurs à l'époque. Nous on avait un sampleur, un QY700 Yamaha, on avait un sampleur S5000 qui envoyait des sons, donc tout était en séparé, etc. Comme le faisaient des live techno, comme le faisaient, nous on était fans des Spiral Trap, des trucs comme ça, et tous ces lives là c'était pour nous c'était la panacée. C'est T-Damage qui a poussé hyper loin le QY. Ouais, exactement, là. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que ouais, ça a pas standardisé nos sons. Et je l'entends encore. J'ai fait un open mic cet été. Et en fait, il y a un mec qui est venu me voir qui fait tu rappes super bien. Mais moi, j'ai jamais aimé Redbone parce que j'aimais pas les instrus. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ils aimaient pas les instrus parce qu'il y avait réellement ce refus du format et ce refus du breakbeat comme on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire les vrais sons, grosses caisses claires, comme on les écoutait à l'époque et tout. Nous, on avait des trucs très synthétiques, très... L'électro, à l'époque, c'était pas foufou. Mais je me rappelle quand j'ai un peu splitté techno, breakbeat, où je me suis mis à faire des instrus et tout. C'était il y a une quinzaine de piges. Bah, tous les rappeurs à qui je faisais écouter, tous ils me disaient « Oula, c'est trop électro, c'est trop électro, il y a trop de charlet, il y a trop de... » Et quand j'écoute maintenant ce qui se fait, je me dis « Mais moi, il y a 15 ans, je faisais des instru trap, en fait, il y a 15 ans, quoi. » Nous, on avait des gens qui venaient... Il y avait des mecs de quartier et tout qui venaient nous voir sur scène et qu'on entendait gueuler. Ils disaient « Arrête de prendre des tasses. Arrête ta techno de merde, arrête de prendre des tas alors qu'on était en train de rapper, tu vois. Mais il y avait vraiment ce délire là un peu. Et en même temps, au niveau du phrasé, par exemple, Redbone, c'est hyper. Enfin, je trouve qu'il y a une sorte d'héritage un peu évident avec Assassin, là, comme ça. Carrément. De ouf. Autant au niveau du phrasé qu'au niveau aussi de, j'ai envie de dire, de l'engagement dans les textes, ouais, et du positionnement. À fond, comme ça. À fond. Nous, à la base, c'est vraiment un truc revendiqué que maintenant, en fait, je réfute, alors que je le revendique à l'époque. Et je suis très content de l'avoir revendiqué à l'époque, mais maintenant, je n'arrive plus à faire ça. C'était que vraiment, nous, on voulait faire du hip-hop conscient, quoi, du rap conscient, vraiment. Nous raconter des trucs, parler des fachos, de la politique, de trucs. Et alors, pour faire du local, un petit peu, les endroits où vous jouez à l'époque? On a fait notre premier concert, on l'a fait au Stendhal. Tu sais, rue Michel Rondet, parce que c'était le pote à Dan qui avait ce bar là, etc. Saint-Étienne qui organisait. Et en fait, ouais, on a fait nos premiers concerts, on les a fait au Mistral, on les a fait dans des endroits comme ça, en fait. Tu vois, c'était vraiment des endroits que pont. Et vous partagez l'affiche avec qui, du coup? Premier concert qu'on fait au Mistral, on le partage avec UDK, qui s'appelait Undertaker, qui était un groupe de Chalon-sur-Saône, qui était un groupe de hardcore électro complètement giclé, et avec qui on est encore potes. Parce que je revois encore des gens avec... Et en fait, ouais, nos amis, c'était... Comme on n'était pas invités dans les soirées hip-hop, vraiment, ils ne nous invitaient pas. On se retrouve avec que des groupes d'électro, des groupes de hardcore, des groupes... Et c'est eux, nos potes, à l'époque, jusqu'à, on va dire, 2005. De 98 à 2005, c'est surtout ça, notre sens, c'est ça. En fait, c'est des gens qui ne font pas du tout la musique qu'on fait, en fait. Donc c'était assez marrant. Ça aide aussi. Et ça prône à l'ouverture. Ça puis ça aide à l'écriture et puis à rester. À l'ouverture. Continuer d'être ouvert musicalement. Quoi. Ouais, carrément. On peut faire une petite pause et écouter justement le morceau là, que tu as proposé. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait passer celui-ci. C'est que justement, c'est vraiment la bonne preuve. Ce morceau, on l'a enregistré dans le sous-sol de chez mes parents, dans la maison de mes parents. On l'a enregistré nous-mêmes et tout. Et en fait, on voulait faire aussi, on aimait beaucoup la jungle. Et on voulait faire un morceau de jungle, et là il y a vraiment toutes les influences de Redbone. C'était à la fois il y a des lyrics de rap, il y a un phrasé raga sur une instru de jungle, donc il y a vraiment un peu tout. Et ça, c'était vraiment des trucs. Bon, après, ça a très vieilli, on a des voix d'enfant, ça me fait bizarre de le réécouter, mais voilà, ça montre un peu le truc. Le morceau, il s'appelle comment? Live Bacon. Et on peut le retrouver. Live Machine. Et on peut le retrouver, ça, sur internet? Je crois que c'est sur YouTube, ouais, je crois. Ouais. Ah ouais. Donc Live Bacon de Redbone. Voilà. Appelle-moi Pipipi Roman de Mama de Madame Ariane, la seule Marie que je respecte c'est Mama de Mama de Rijane. Chicla, si tu crois que je vais rapper pour Mama de Nathan, une peine, une peine, une passe, fais ta tranche dans un platane. Et Mama de Mama de Matéry de Bongue, son patrimoine, t'es sonné le gong, et qu'on a basé des civets ton crâne. Éviter les cueils des sombres et danses qu'on condamne. Je donne les ignorants avec femme, Nico et Dan. C'est bibi des bibis, ardés, sans tourine, mais de mythoman. Les traîtres à la cause du punk rouge. J'envoie du gros dans ton Walkman. Yarayana, tel le chaman. Tu gagnes quand tu veux craquer le soupe d'un Doberman. Et si ça fait pas les doubles lions, ton jerrycan. Vont faire tous les deux en sorte que très vite ils t'enflamment. Armée d'un China équivalent d'offre des Ariane. Superman, non, c'est Super Sonic Dan. Autant viens chez toi si tu trouves ta va trop vite, man. Romelina Jungle, pour t'acheter du Hey. Red Bong, Bong, Bong, Bong, c'est du live et canne. On s'en de la gong de tous les Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir. Le souffle qui touche, qui sèche, le rame en tanne. T'en as pas tout si fin, et t'es pas sans faire du cocanan. Ta jungle, le holy-pot, la gitano, gros aval. Le chaos, t'as compris, ton karaoke, t'es sans sa main. Tu t'exposes à ton charme, ton panier, d'où les gagas. T'as pas tes abattis, bon, pas béni, hors conforman. T'es rassé, paralyse, quand t'es sur le ring, c'est pas mal. Check ça, fais-tu la bâche à mal Ryan. Clac, clac, clac, clac, j'en sors, le souffle, t'exposes jusqu'à la guane. Woman, c'est pas l'eau, désolé, pour ton crâne. On joue quelques neurones, le réflexe, mais ton man. Que l'on trépane, tu fais mine de gérer, mais tu pètes comme le profane. Bam bam, mauvaise salle, bravale de mots et c'est crâne. T'as perdu 3 points de vie, ta grenouille d'arrêt, t'es pas long. Bam bam, sam gram, et puis c'est ton chavoine. Pour les bourrons, c'est son crâne. Et ce qu'on aime, c'est ah, cramer ta graisse, ah, qu'on la pisse à flamme. Red bang, le bang, le bang, c'est du lac Pécan. On s'en ensemble, le gang de tous les mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, le mêmes, comme avec une afro-man, le problème c'est la panne. Tu rames, et sur ce bitch te canne. L'héroïne en mania, et puis pas haut et carat sur mon oriflamme. Des balles, je fais ses crames. J'ai un réseau sur ton crâne, top top top, qu'est-ce que t'as, t'es perdu, tu t'enflammes. Tu flippes, tu chèques, tu gueules. Un refactiment pris en panne. Est-ce qu'au niveau d'audition, t'es dans le rêve et t'as Krigan avec son Alzheimer. Ça fait cowboy pour Iskama. Bien réfléchir, on préfère quand tu planes. Il est bien plus facile. Supporté, fait pas Louisiane. Red bang, et bang, et bang, et bang, c'est du live sur Pécan. Solide comme du titane. Mais c'est ça la papa, papa, papa. Red bang, et bang, et bang, c'est du live et canne. On sonne, sonne le gang de tous les mimes et les mimes. Red bang, et bang, et bang, et bang, et chiki, chiki, canne. Sois, sois, t'es réceptif, sinon va chier dans ta cabane. Red bang, et bang, et bang, c'est du live et canne. On sonne, sonne le gang de tous les mimes et les mimes. Comme l'eau tordue de Vandamme là. On cherche à combler ses envies, que le vide se remplisse. C'est cool, visible comme la violence quand son pisse. Spliff, spleen, tease, surface plane dans le cœur. Manque d'estime, trop de cœur et l'intestine. Victime, papillon braqué par une lumière diffuse. Cherche le refuge, la nuit, la solitude se refuse. Qui pourrait croire qu'il s'y complaît? Qui croit narguer la vie avant que le croque-mort arrive? Et nos tailles sont complets, couplets, strophes, rimes. Voué à cet élan, c'est tout ce que j'offre avant la délivrance. C'est putain ce que c'est long, le goudron, opium de mon peuple, mentalité de Morlock. Chacun sont concernés par son interne horloge. On se forge une épaisse carapace à chaque pète qui crépite. Je répète les mêmes trucs, y'a plus que ça qui t'excite. J'existe en dehors de mes récits, résiste et frôle l'hérésie. J'apprécie qu'on la résine crame, rend l'esprit moins précis. La noirceur comme refuge.

Et puis, puis un label qu'on avait créé qui s'appelait Factory Cards, qui était à la fabrique, etc. Donc on avait quand même une bonne structure. On était distribué nationalement par des grosses distribs. On nous retrouvait à la FNAC, même nous on hallucinait. Donc on faisait de la route tout le temps. On était tous les week-ends sur les dates, tout le temps. Ouais, et c'est enfin vous êtes resté fidèle à votre son, et malgré tout vous avez réussi à. Mais je pense que il y avait beaucoup de gens, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit là avec Jus aussi, parce qu'il y avait vraiment ce délire où on allait jouer dans les free parties, on allait jouer dans des squat punk, on allait jouer dans les trucs. Et en fait, ça, vous avez pas arrêté. Je pense qu'il y avait un manque pour les gens aussi, tu vois. On n'était pas les seuls, hein. il y avait des groupes comme Alif Sound System, Ex Machina, plein de trucs comme ça qui justement étaient des très bons rappeurs, mais en même temps proposaient des choses différentes avec des musicalités différentes, etc. Et je pense qu'il y avait un manque à combler, et qu'il y avait beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas dans le hip-hop un peu Kaira, un peu ghetto, qui se retrouvaient sur des trucs qu'on proposait nous ou d'autres. Parce qu'il y avait, plein d'autres, attention. Hein. Qui se reconnaissaient aussi, mais qui avaient besoin aussi de fraîcheur d'autres choses aussi. Ouais. Enfin. C'est marrant, j'avais un blind test comme ça à vous faire. Si je vous mets ça, vous me dites quoi ? Je dirais, putain non, c'est pas Scanix, mais j'aurais dit Scanix comme ça en premier truc, mais... Attends, j'attends que ça tourne un peu. Hein. Non, ça me dit rien, moi. Ça peut être tellement plein de choses en même temps. Oui, c'est sûr, ça peut être tellement plein de choses. C'est ça. Moi, je l'avais en galette. C'est pas Boris, soirée disco, c'est pas Alternative System, ça. Ah, bravo, ouais, bravo. C'est Nico. Bah oui. On lui fait un bisou. J'ai cherché des morceaux, justement, ce que je pense. Enfin, je me suis dit que c'est quand même aussi une... Enfin, Alternative System, voilà, les gens qui ont connu ne peuvent pas nier l'importance qu'ils ont eue sur la culture électronique stéphanoise. Enfin, voilà, c'est les premiers, enfin, vraiment... Carrément. Et en même temps, c'est pas facile de les faire parler, maintenant. Ouais. Bah non, mais Nico, quand tu me disais, il faisait des groupes, on a joué plein de fois dans les Tough Alter à 22h, où les mecs sont venus se faire craquer devant du son, et en fait, pendant une heure, ils ont du hip-hop, et ils kiffent, en fait, tu vois, alors qu'ils en écoutent pas, en fait. En fait, voilà. Ils en écoutent pas, à l'époque. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Vomit for Breakfast, soirée alternative, et j'avais pris... J'avais pris une des claques de ma vie par ce groupe, quoi. Et... Enfin, s'ils avaient pas joué en free party, j'aurais jamais vu de ma vie Vomit for Breakfast. Jamais je serais allé voir ce groupe, en fait. Enfin, parce que moi, c'était pas trop ma cam à la base, en fait. Enfin, même si je suis très rock'n'roll aussi, j'aime bien, voilà, mais c'est pas les trucs que j'écoute. Voilà, je vais pas aller me bouger pour un concert qui est que ça, en fait. Alors moi, à l'époque, j'étais plutôt en rocker, justement, et je me suis retrouvé justement embarqué dans une aventure Alternative System à organiser une fête de la musique dans une teuf Alternative System où il y avait Vomit et tout ça. Et c'est rigolo, ça m'amène un petit peu à ce qu'on discutait tout à l'heure, ce truc de... un peu toutes ces scènes qui, des fois, dans d'autres villes, elles n'arrivent pas trop à se rencontrer. Et bah là, de fait... On ne sait pas trop à quoi c'est lié. Est-ce que c'est lié aux gens? Est-ce que c'est lié à l'état d'esprit? Est-ce que c'est lié aussi à la petite taille de la ville? Mais du coup, les gens, ils arrivent à faire ensemble, là, comme ça. Et notamment, moi, une anecdote sur Alternative System, c'est que quand, à un moment, quand j'organisais des concerts, s'est posé la question du rapport à l'argent, et voilà, parce que du coup, c'est pas toujours facile de payer les groupes avec 50, 60 personnes quand tu décides d'appliquer des politiques de prix, par exemple, de faire des concerts à prix libre ou des trucs comme ça pour que ça reste accessible. Et bah, par exemple, une des personnes qui m'a appris à siphonner, par exemple, et bah, c'était un camarade d'Alternative System. Yes. C'est important. Qui m'a mis le tuyau dans la bouche et tout, qui m'a emmené sur un plan pourri. Et voilà. T'as monté en compétence. Mais je pense que pour les liens. C'est à payer. Pour les liens dans les milieux, comme tu dis, je pense, oui, il y a la taille de la ville qui fait qu'en fait, on. En fait, tous ceux qui sont un peu. Enfin, j'aime pas trop milieu alternatif, je trouve ça fait un peu, je me la racle, j'aime pas trop ce truc là mais qui sont un peu, voilà, du milieu indépendant, enfin voilà, des gens qui font ou qui écoutent, bah il y a toujours un moment à Saint-Étienne où tu croises un pote qui te présente l'autre, qui fait partie de ça, qui, enfin, et à l'arrivée tu te rends compte que finalement dans les soirées qu'on fait et qu'on fréquente depuis des années et des années, en fait on se croise tous, enfin, Mais à un moment donné, tu vas faire une soirée hip-hop, s'il n'y a rien d'autre ce soir-là, tu sais que dans ta soirée hip-hop, tu vas te retrouver avec quelques punks de la gueule noire, quelques rockards là-bas, parce qu'en fait, voilà, il y a un concert, c'est prix libre, que les gens, ils aiment voir un concert, même si c'est pas leur milieu, et voilà, et boire des bières et rigoler, et je pense qu'à Saint-Thé, il y a ce truc, où... Il n'y a pas de « toi tu fais ça, c'est de la... » Non, en fait, on essaie tous de tirer le truc un peu vers le haut à notre façon, et voilà. Après, il y a ce truc fédérateur. Je suis d'accord qu'il y a le côté état d'esprit de la ville, mais moi aussi, je pensais à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a aussi des élans qui permettent que les gens y fassent ensemble, et notamment ce truc dans les années 2000, des festivals des résistances et des alternatives, qui sont une sorte de dynamique nationale d'organiser des festivals anti-électoraux, comme ça, au moment des élections, et où, à Saint-Étienne, ça crée une sorte d'élan où les gens, ils se disent, si on faisait un festival de résistance, et là, autour d'une table, se retrouvent des assos hyper variés. À faire des réunions interminables. mélangeant, par exemple, la CNT, 14 mois, qui est une asso qui fait plutôt des expos et des concerts de musique expé, Le Grand Luxe, La France Pu, AK42, du coup l'asso dont tu fais partie, nous, les squatteurs de l'époque, Alternative System, et voilà. Et tous ces gens ont plein de façons de parler différentes. Alors t'as des gens qui sont juste axés sur la musique, d'autres qui sont comme la CNT par exemple, axés sur les luttes syndicales et tout ça, et se retrouvent à organiser, et ça crée une sorte de bordel. Mais alors, et on faisait quand même 15 jours, je crois que c'était 15 jours à organiser, c'était un peu n'importe quoi, parce moi je faisais le programme, donc c'était organisé, c'était compliqué, c'était n'importe quoi, l'enfer, parce que du coup c'est des pratiques hyper différentes, parce qu'il y a des gens qui ont pas du tout la pratique, j'ai envie de dire, d'événementiel là comme ça, qui sont dans les luttes là comme ça, et puis à côté de ça aussi des gens qui sont dans l'événement qui n'ont pas du tout la pratique d'aller... Voire même la fibre. Ouais, ou même qui se sentent des fois un peu agressés là, comme ça, par cette fibre radicale là, comme ça, des gens qui ont une démarche politique, et voilà, et du coup, les réunions, elles amènent à ça. Mais par contre, ce truc-là, il crée ce qui, pour moi, va par exemple amener à des élans comme la gueule noire, parce que par exemple, la gueule noire, si ça se crée, c'est parce que en fait, avant, les gens, ils ont traîné ensemble et ils ont appris à organiser ensemble justement dans ces espaces-là. C'est important des lieux comme ça. Et après, il y a d'autres lieux aussi où, par exemple, on se retrouve à brasser ensemble. Il y a aussi, par exemple, Main dans la main. Ouais. Du coup, pour situer Main dans la main, dans les années 98, à la fin du mouvement chômeur, pendant le mouvement chômeur, du coup, le collectif chômeur local occupe un truc, se fait virer hyper violemment, et la mairie a un peu l'archouma parce qu'elle se retrouve dans la merde, parce que ça fait un gros buzz médiatique. Du coup, elle décide de reloger les gens et elle les loge dans un truc qui est juste derrière le stade. Je me souviens plus. C'est l'adresse précise, je sais pas, mais c'est vraiment là maintenant. Si vous connaissez la médecine du travail, c'est quasiment dans les mêmes bâtiments. La nouvelle médecine. Ouais, c'était pas loin, ouais. Et donc, ils se retrouvent logés dans ce bâtiment. Et à la base, eux, ce qu'ils font principalement, c'est de l'accueil de gens dans des situations un peu compliquées. Et voilà. Et au bout d'un moment, ce truc un peu bat de l'aile. Et ils proposent à la Raya, comme ça, ce truc un peu flou, de pouvoir accueillir des concerts et tout ça. Et il va suivre une période autour des années 2002-2003. Je pense que c'est même un peu après. Un peu après, ouais. 2003-2004. Je dirais 2005-2006, moi. Ouais. Ça dure pas très longtemps et où, du coup, c'est une sorte d'espace commun, du coup, qui est géré par Main dans la main, mais qui est ouvert aux assos. Le collectif s'appelait Effervescence, non, c'est ça ? Exactement. Effervescence. Je viens de voir le flash, là. Mais... Ouais, et puis pareil, des réunions interminables pour essayer de s'entendre. On a fait des travaux, on a tout retapé. On avait fait une vraie scène, on avait fait une vraie billetterie, guichet. Enfin, l'endroit était en capacité d'accueillir après beaucoup de gens, parce que je crois qu'on faisait des soirées à 250-300 quand même. Des fois. Et ce qu'il faut situer un petit peu à Saint-Étienne, c'est que pour nous, j'ai envie de dire ados dans les années 90, c'est que nous, on a connu à Saint-Étienne que les concerts dans les bars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ou le hall C, voilà, c'est ça. Soit c'est le hall C, j'ai envie de dire, c'est les concerts mainstream, comme ça, les trucs énormes. Ou nous, on ne se permet pas d'organiser, parce que du coup, il faut des budgets colossaux pour organiser là-bas. Ou alors, c'est on se retrouve organisé dans les bars, mais avec des bails un peu chelous, où du coup, les bars, ils ont des voisins. Du coup, ça ferme tôt. Les concerts, ils arrêtent à 10h. Par exemple, moi, j'ai connu toute mon adolescence, les concerts, j'étais habitué, ça commençait à 8h pétante, et ça finissait à 10h. Ça a bien changé. Hein. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que Main dans la Main aussi, c'est une des premières salles, j'ai envie de dire, collectives, où on se retrouve à plusieurs assos à organiser et du coup aussi à avoir de la curiosité les uns pour les autres, à se permettre aussi de faire des soirées en commun et d'aller voir aussi et de sortir un petit peu des préjugés. Toi t'es un hippie parce que tu programmes que du reggae, toi t'es un technoïde parce que du coup tu programmes des trucs électro, toi t'es un gros bourrin parce que tu programmes des soirées de crust et machin, et les gens ils se retrouvent un peu à se mélanger comme ça et même à co-organiser à des moments des trucs aberrants. Je me souviens par exemple d'un concert de Christian Pacou là, qui est une sorte de chanteur anard un peu chiant à mon goût. C'était le festival Effervescence d'ailleurs. Et dans le festival. C'était la tête d'affiche lui. C'est ça. C'était la tête d'affiche du festival Effervescence. Du coup, tout ça, c'est co-organisé par les punks, justement la bande électro chelou et les rappeurs. Ouais, les rappeurs et voilà. Il y a une entente qui se met en place. Et ça me lance quand même. Je trouvais que c'était aussi l'occasion de parler un peu d'AK-42, justement, l'assaut dont tu as fait partie, qui attaque à quelle époque? Bah là, c'est 2002-2003, c'est justement... à la base, en fait, mais je crois que c'est aussi beaucoup pour ça, souvent, quand t'as des assauts qui sont fabriqués par des groupes, c'est aussi le but inavoué, mais c'est quand même le but, c'est de dire, bon, personne ne nous fait jouer, on va faire nos soirées. Et d'ailleurs, on va faire nos soirées en faisant jouer des potes, parce que du coup, comme tu fais de la route, tu rencontres d'autres groupes d'ailleurs, et tu dis, et qui c'est d'ailleurs, c'est eux qui t'ont fait jouer, et tu dis, je vais leur rendre l'appareil, on va organiser une soirée autour de vous, on viendra faire la première partie pour amener du monde, mais ils viendront vous voir vous, etc. Et du coup, on crée ça donc avec J.O., que peut-être certains connaissent, Gio Garcia, qui a fait partie qui, de la qui fabrique, est un régisseur qui, maintenant qui un peu incontournable, qui est le régisseur de Positive Education, de Forestival, etc. Et qui a fait partie de la fabrique, qui a joué dans Broadway, un activiste de l'époque. Et on crée cet asso à 3-4. Et d'ailleurs on prend aussi un peu, parce qu'on a des petites velléités de labels aussi, donc on récupère un peu des groupes qu'on aimait bien, la Magnum 42, des petits Lascar de la Muraille, etc., qui font du bon rap, etc. Donc on a, et puis il y a Anna Trance aussi, il y a Broadway, c'est les prémices de tous ces groupes là et on commence à organiser des trucs. Donc par exemple Dan bosse à l'Elephant au Canicali à l'époque, qui est après devenu l'Assommoir beaucoup plus tard, etc., mais qui est un espace à concert aussi à l'époque, qui est un espace à concert de ouf. Et donc on commence à organiser des trucs là-bas, on organise des trucs à Main dans la Main, à la Clé de Voûte aussi, parce que la Clé de Voûte, il y a eu un paquet de soirées. Moi à l'époque j'arrive pas à vous définir, maintenant rétrospectivement j'arriverai à vous définir comme ça un peu musicalement, mais à l'époque je sais pas trop ce que vous faites, comment mais c'est en quoi fait, l'angle un peu qui vous réunit. Mais on sait pas non plus en fait, je crois. On s'en bat un peu les trucs. Ouais, on n'a pas besoin de toujours. Tu peux dire les couilles, hein, Gino. T'es sur Radio Duo. Tu peux dire, on s'en bat les couilles. Hein. On est une ville où on met. C'est aussi pour ça qu'on est tous là aujourd'hui et cette semaine. C'est qu'en fait, on met pas d'étiquette sur. Enfin voilà, et que du coup, on se définit pas. On se définit à la base peut-être comme, à la base c'était un truc techno, mais en fait on était juste des activistes culturels, on faisait des trucs, enfin, tant qu'il y avait un truc à organiser, on le faisait en fait, et après, qu'importe l'étiquette. À ce propos, il y a aussi un truc hyper important nous, qui nous arrive aussi, parce que nous on est super potes à l'époque avec la Demink. Parce que en plus moi je suis à la fac avec Zouz, Aurélien, Comelan, qui est un des chanteurs. On est à la fac de ciné ensemble, etc. Donc on se connaît depuis le lycée et tout ça. Et en fait il y a un autre truc aussi qui montre aussi encore un peu plus l'ouverture de synthé, c'est qu'en fait on décide de créer un collectif. Eux ils sont plutôt reggae, nous on est plutôt hip hop. Et on crée un collectif qui a perduré très longtemps, dont on n'a plus fait partie sur la fin, mais en tout cas, on était instigateur du truc, ça s'appelait Massa Sound Crew. Et Massa Sound Crew, c'était donc moi, Dan, Comelan. Il y avait des fois Hakim qui venait, donc Bouchecourt qui venait aussi chanter. Et le noyau dur, on était six, c'était donc les quatre que je viens de citer. Il y avait Skava, Big up à Scava qui est à Lyon maintenant, qui est préparateur physique, qui est un gros costaud maintenant. Il y avait Kamana aussi, de, anciennement d'Atune, etc. Brotherhood et Quentin. À Rome, de la 5e Co aussi, patron historique du Little Soba, etc. Donc en fait, là, on décide de créer un sound system qui est à la fois reggae et hip-hop. On a deux DJ qui sont Fireside hip-hop et Selectadis, qui est le guitariste de la dubbing, Jérémy. Et on crée une sorte de collectif où on va faire 3 heures de sound system où en fait il va y avoir à la fois du reggae, dancehall, même des fois parfois super roots, et à la fois des fois du hip-hop ultra radical, ultra bourrin, même limite à la Rage Against the Machine, parce qu'on prend des instruments avec des grattes électriques, etc. Et en fait on fait des fois 3 heures de set devant des gens qui sont un peu médusés. Je me rappelle d'un set qu'on a fait au CCO à Villeurbanne à Lyon où tu vois que les Lyonnais n'ont pas l'habitude de ça en fait, où il n'y a plus de clocher. C'est-à-dire que t'as soit du reggae, normalement t'as une soirée soit reggae, soit hip-hop, soit rock, soit machin. Et là, en fait, on fait un truc où il y a tout le monde, où ça s'enchaîne, où tout le monde kick de ouf en plus, parce que tout le monde était quand même super talentueux. Donc, il savait faire, quoi, tu vois. Donc, et je pense que même, moi, j'ai souvenir de, par exemple, où tu viens clasher Lyon sur ces terres, où tu sais, ils se disent, putain, mais ils sont forts, et en même temps. Et en même temps, j'ai jamais entendu. On est perdu, en fait. Et voilà, Massasoun, c'était typiquement une initiative pareille, avec une idée vraiment stéphanoise d'ouverture, on fait tous ensemble. Moi, je me rappelle d'un truc à Place d'Orient que vous aviez posé, mais ça remonte. Hein. Mais on en a fait plein, mais des systèmes. J'arrivais juste à Saint-Étienne, donc ouais, ça remonte vraiment. Et avec du monde. Et à chaque fois, il y avait du monde. Et j'avais adoré justement ce côté où tu prends tout dans la gueule. tu repars, tu te dis, bah c'est bon, j'ai tout eu. J'ai pas besoin de rentrer chez moi et d'écouter d'autres morceaux. Souvenir. Et puis là moi en tout cas en tant que rappeur, moi je fais vraiment mes armes, où vraiment là tu vois tous les délires d'open mic et tout, c'est vraiment cette époque là où d'un coup tu sais pas quel instru va être passé par tel ou tel DJ. D'ailleurs des fois tu vas kicker sur un truc roots reggae ou un truc super rap hyper hardcore, etc. Et en fait tu kicks et tu démerdes pour faire une sorte de feat improvisé avec un type qui a rien à voir avec toi, enfin, et ça musicalement c'est hyper intéressant, et je kiffais trop ce moment là au défaite de la musique, où on allait à chaque fois jouer dans une pizzeria qui s'appelait Yellow Pizza. Et il y avait 1000 personnes à chaque fois. Et on jouait dans la rue et on n'avait rien prévu. On avait 2 pauvres enceintes. Et puis c'était gavé de monde dans toute la rue. Ouais, c'était vraiment marrant. Et alors, tiens, un souvenir d'une soirée marquante comme ça. Un truc comme ça qui est pour vous un truc d'anthologie, là, comme ça. Moi, je dirais la fois où, avec Obéi et Méchants Enfants, on a fait venir les Spiral Tribe dans une boîte de nuit de Pont-Salomon. Et où, voilà, quoi, juste. Comment elle s'appelait, la boîte ? Je me rappelle plus. Mais juste, voilà, quoi, c'était le. Ouais, enfin, voilà. Parce que la boîte, du coup, était ouverte à tout. Enfin, comme tous les week-ends, à tout le monde, quoi. Et voilà, quoi, t'avais toute la team Spiral quasi en live et en mix dans la boîte. La moitié des gens qui comprenaient pas, l'autre moitié des gens qui hallucinaient de voir tous ces gens-là pour 5 euros l'entrée dans une pauvre discothèque. Et je pense que c'est là où on a pris tous notre plus gros fou rire. Parce que c'était du coup Sébastien Icard qui avait organisé la soirée. Et à la fin de la soirée, en fait, le mec, il coupe le son et là, il prend le micro et il dit « Et on remercie tous Sébastien et tous ses copains. » Et c'est un truc qui est resté. Enfin, vraiment, quoi. Moi, maintenant, quand je vois Sébastien, c'est « T'as mal, Sébastien et tous ses copains. » En fait, c'est un truc, voilà, ça fait 15 ans qu'on lui sort cette phrase. Et du coup, voilà, je dirais, ouais, cette soirée-là, enfin, pour nous, en orga, qui m'a, voilà, qui reste dans ma tête, parce que voilà. Après, il y en a une autre à Satolas où il y avait tellement de vent, mixé avec des cailloux sur les capots des platines, parce que les disques, ils s'envolaient dans la foule, sinon. Ouais, mais attends, comment vous passiez les disques avec des cailloux sur les capots des platines? Ben, en fait, on calait nos disques, et comme on était super bon DJ, on n'avait pas besoin d'y revenir dessus. Et en fait, voilà, on calait notre disque, et après, on mettait le capot avec le caillou. Et puis dès qu'il fallait retoucher, hop, on levait légèrement le capot et tout, parce que sinon, bah, les disques, ils volaient, quoi. Et avec les avions de Satolas qui nous passaient à 200 mètres au-dessus de nos têtes et tout, voilà. Et toi, t'as eu le temps de réfléchir. Bah ouais, mais moi je suis sûr que tu sais ce que je vais dire, en fait. Parce que ça, en plus, Christian Pacou. C'est en lien avec Main dans la Main aussi, parce que tu faisais partie de Main dans la Main. Main dans la Main, le squat. Ouais. On est en 2006. On vient de sortir le premier album. Maintenant, on commençait vraiment à avoir du swag. On était découvert Printemps de Bourges. On commençait à être un groupe un peu important à Saint-Étienne. Et la mairie, qui nous a toujours un peu snobé, nous dit on veut que vous finissiez Place Jean Jaurès, la fête de la musique. Tu te rappelles maintenant, voilà, tu vois. On fait OK. D'ailleurs, je me rappelle qu'en plus, du coup, comme ils voulu nous faire jouer, on négocie un tarif de fou. Tu as du style, ouais, t'as jamais vu nous faire jouer, maintenant ça coûte ça. et donc on se retrouve là, on va jouer en dernier. La Jean Jaurès, c'est blindé. Et Main dans la Main va se faire expulser. Non, c'est pas Main dans la Main, c'est Izmir. Izmir va se faire expulser. Le squat à l'époque, qui existe depuis 5 ans. Qui était derrière la Comédie Saint-Etienne historique, ouais, de parenthèse. Et où, du coup, on fait du foin depuis un certain temps pour dire, bon, bah, c'est pas parce qu'on est expulsable que vous allez nous expulser, on a un espace d'activité nécessaire, et voilà. Et là, c'est vraiment le dernier moment, quoi. On est sur la brèche. Et nous, on leur dit, écoutez, nous, on doit jouer une heure. On va jouer que 55 minutes, mais un moment avant le, on avait un morceau qui s'appelait, on avait un morceau qui s'appelait Sarcophage. C'était à l'époque où Sarko était encore ministre de l'Intérieur, il n'était pas encore président. Et qui était un morceau sur Sarkozy et sur toute la politique sécuritaire de ce ministre de l'Intérieur de l'époque. Et en fait, on dit, avant de faire Sarcophage, on va enlever le morceau qu'on fait avant et vous venez prendre la parole. Et je me rappelle, c'est Elsa et peut-être toi d'ailleurs, non ? Qui c'est qui monte sur scène ? Il y a Elsa et je ne sais plus qui d'autre. Ouais, normalement, je ne devrais pas dire des prénoms. On a le droit de dire des prénoms, il n'y a pas les noms de famille. Et puis, ce n'est pas grave, de toute façon, il y a prescription. Et c'est Stéphane, oui, d'accord. Et on leur dit, on vous donne la parole, vous prenez nos micros et vous allez expliquer la situation d'Izmir et tout. Et comme quoi, nous, on soutient le truc et tout. Et donc, ils montent sur scène. Et personne n'est au courant, la mairie on les a pas prévenus, etc. C'est pas un attentat, parce que pour nous c'est même pas un attentat. On dit voilà, on va enlever un truc, on va les laisser parler et après on reprend le concert. Là où c'est quand même un peu un attentat, c'est que en fait on est en zone de conflictualité assez énorme avec la mairie et on a fait une sorte de buzz avant à faire des manifs et tout ça. Et en gros on a existé depuis suffisamment longtemps pour que la mairie, elle se retrouve dans une situation où quand elle va nous expulser, elle sait que ça va faire du bruit et que ça va être chiant pour elle, c'est un peu relou. Et donc là, il commence à parler. Et en fait, je me rappelle, Elsa parle. Et plus elle parle, en fait, plus les gens font « ouh, ouh ». Et je ne sais pas ce qui se passe parce que nous, en fait, on a les retours et nous, on entend ce qu'elle dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le mec de la mairie qui est en régie, il entend que c'est Izmir qui parle, il est en liaison avec la mairie. Il leur dit, ouais, il y a Izmir qui est en train de parler. Les mecs de la mairie leur disent, vous coupez le son. Donc en fait, la façade est coupée. C'est-à-dire qu'en fait, plus les gens en fait voient Elsa qui parle, mais dans le vide. Nous, on entend ce qu'elle dit, mais les gens n'entendent pas. Donc on met un petit moment quand même à comprendre. Et quand je commence à comprendre le truc et tout, pareil, je commence à râler et tout. Et des deux côtés de la scène, je vous jure que c'est vrai, des deux côtés de la scène arrivent 20 CRS. Des deux côtés de la scène, par derrière comme ça. Pour deux personnes, quoi. Pour deux personnes qui parlent, à qui ils ont coupé le son. Donc nous on reprend le truc, ils nous remettent le son, on dit bon, ce qui vient de se passer c'est nul, nous on voulait juste qu'ils parlent, voilà, nous c'est une cause qui nous paraît légitime, on voulait juste qu'ils parlent et tout. À ce moment-là, il y a des crash barrières entre nous et le public, les CRS se mettent entre nous et le public devant les crash barrières, c'est-à-dire qu'en fait nous on est sur une scène, il y a un cordon de CRS et public, et face à nous 1000 personnes, hein. Dont mon cousin, dont c'était la première fois qu'il me voyait sur scène, mes parents, enfin tu vois, en plus c'est une ambiance familiale de fête de la musique, tu vois, donc c'est complètement surréaliste. On fait Sarcophage à ce moment-là. Donc là, bon choix, très bon choix, mais c'était voulu par contre, et un peu provoque. Et là, ça part en couille, mais total. Le public commence à pousser les barrières sur les CRS, etc. Il y a des CRS, moi je les regarde, ils me regardent du style, vous arrêtez la musique, tu vois, je les entends parler et tout. On finit Sarcophage, tout le monde gueule. Et puis je te dis, en plus, tu vois toutes les barrières qui volent et tout. Et là, d'un coup, je me retourne sur ma droite, à côté de moi, sur scène. Il y a le capitaine des CRS qui nous regarde et qui arrive et qui appuie sur stop. Et il arrête le son. Et donc là, on se retrouve dehors. Il nous vire de la scène. Et on est encadré par un cordon de CRS sur le côté de la scène, par 20 CRS. Et entre moi, avec ma mère qui essaie de m'appeler en disant « ça va ?» C'est une panique totale. Et je pense que ce concert est assez légendaire parce qu'on m'en parle encore, mais celui-là, ouais, il était vraiment drôle. On a vraiment rigolé. Mais par contre, on était vraiment dans la merde. Enfin, je pense pas que la mairie nous ait donné beaucoup de subventions l'année après. Ils vous ont quand même payé votre cachet. Je crois qu'ils nous ont payé cachet. Ouais, je crois. Ils vous ont jamais fait rejouer. On avait signé une convention. c'était contractuel le truc. Donc, ouais. Mais ouais, c'était, ouais, celui-là, c'était vraiment marrant. Et je me rappelle de, si j'ai le droit de le citer, de Zaï qui est au milieu de la foule et au moment où on se fait virer, qui me regarde et qui me fait une petite moue du style. J'avais été validé par le chef des punks ce soir-là, mais laisse tomber. il me regarde comme ça avec un petit sourire d'approbation du style. Bien vu les gars. Et ouais, on avait beaucoup rire. Alors moi, j'ai un souvenir lié à Red Bong. Je crois que c'est la pire soirée de ma vie que j'ai organisée. Oh merde. On a organisé une soirée. À l'époque, je brassais avec toute une raya qui organisait qui faisait des compiles gratuites. Et l'idée, c'était de faire une sorte de pied de nez un petit peu au système mercantile comme ça de l'industrie du disque et du coup de sortir des objets gratuits. Et pour sortir ces objets gratuits, on faisait des soirées de soutien qui permettent de sortir à l'époque, on sortait à 2000 exemplaires, du coup une compile avec plein de groupes. Et c'était l'époque du disque, c'était une autre époque. Et ben pour ça, du coup, on organise une soirée à Petits Travaux à l'époque, qui sont les précurseurs d'Ursa Minor. Et on se dit, à la place de la brasserie, on va mélanger plein d'ambiances. On fait une soirée typiquement stéphanoise, on va mélanger plein d'ambiances. Comment s'appelait la salle? C'était pas Petits Travaux, comment s'appelait la salle déjà? PTX, pas à me PTX, Petits Travaux, ouais. Il n'y avait pas un autre nom? Non. Les entrepôts de Bellevue. Hein. Ah, entrepôt Bellevue. Entrepôt Bellevue. Exactement. Voilà, et du coup, on cale dans cette soirée Red Bong, un groupe de punk. Et je me souviens plus trop quoi d'autre. Soirée stéphanoise, quoi. Ouais, soirée stéphanoise, mais grosse erreur, parce que le fait de mélanger toutes les scènes, on se retrouve avec beaucoup trop de monde dans la soirée. Ah ouais, mais je me rappelle. Et la jauge est à 280 personnes, et je me suis retrouvé toute la soirée à partir de 10h du soir à être aux entrées et à dire toute sortie définitive, s'il y a une personne qui sort, il y a une personne qui peut rentrer. Et j'ai fait ça de 10h du soir à 5h du matin. Et c'est une des deux seules fois que j'ai fait un slam devant les gens tellement il y avait du monde. Moi, je suis né à Saint-Thé, du coup, en fait, il y avait plein de potes comme ça qui étaient dans la queue. Nous, on a kiffé, par contre. Nous, on a kiffé, il y avait plein de monde, c'était trop bien. Et c'était un peu chelou. J'ai calé, moi, Carly Tekabok. Ah ouais, alors. Ça me faisait une association. On parlait de Saint-Etienne, mais eux, ils sont plutôt de Pélussin, donc c'est un peu affilié quand même. Et c'est aussi. Ça a été des potes très importants pour nous musicalement, parce que justement, on se retrouvait beaucoup. Ils venaient aussi de la Free Party et tout. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait exprès. C'est un morceau qui s'appelle Party, où en fait, eux, c'est des rappeurs qui avaient un délire un peu stupéflip, un peu rap alter, etc. Et ils parlent de Free Party dans ce morceau. Ce morceau est hyper bien écrit, le texte est fou. Et j'avais envie qu'on écoute ça parce que c'est trop bien. Et j'ai calé après les Dandy Freaks dans ta sélecteur. Allez, morceau qui nous avait filé pour la compile Fuck Starnak. La partie, moi je trouvais que c'était de la partie, mais je voulais voir personne à partie. Fanny qui voulait voir mes parties. Yeah! Tiffany c'est un bon parti, elle bosse en intérim chez Darty. Mais dès le vendredi c'est parti, et pendant 3 jours c'est samedi. Alors amène des potes et des sœurs, on va faire claquer le compresseur. Ouais, amène des potes et des sœurs, on va faire claquer le compresseur. J'ai mis les bouteilles en plastique, je l'appelle, on se rejoint sur le parking. Ensuite les tâches sont réparties, elle conduit et moi je compatis. Yeah! Dans son squat c'est la Moldavie, ça caille et on gèle les parties. Mais si t'adhères à aucun parti, faut que tu fight for your right to party. Yeah, si t'adhères à aucun parti, faut que tu fight for your right to party. Si t'adhères à aucun parti, faut que tu fight for your right to party. Un champ de 3 hectares qui sert de dance floor. Les étoiles qui jouent les spotlights. Et toi qui te sers contre moi, qui sert le pastis. Yeah! On oublie ce monde de bâtard. Si ce soir tu payes ton Smarties, on est un public un peu trop averti. On oublie toutes les lois si ça te dit. Alors amène tes potes et tes sœurs, on va faire claquer ton compresseur. Ouais, amène tes potes et tes sœurs, on va faire claquer ton compresseur. Et si t'adhères à aucun parti, faut que tu fight for your right to party. Maintenant et tout de suite, une fête totale, l'animal est gratuit. Si t'adhères à aucun parti, faut que tu fight for your right to party. Le bordel et la joie, maintenant et tout de suite, une fête totale, l'animal est gratuite. Déjà au début de la partie, moi je trouvais que c'était bien parti. Mais j'ai jamais revu Tiffany depuis les lois Mariani. Qu'est-ce qui se passe là? Y'a plus de son, y'a plus d'essence là? Y'a des condés? Allez, allez. Carly Tekabok, on enchaîne avec les Dandifrics. Réveillons ton attitude, conscience. On continue le retour dans le passé avec pour la spéciale Furieuse Furania. Et le morceau qui suit, bah, c'est KNX Crew avec Le Futur et Caniche. Let's go. Erratum, Erratum, c'est l'album qui s'appelle Le Futur et Caniche. Et le morceau, c'est Le Santé des Enfants Perdus. Merci, Jus, dans l'oreillette. C'est notre capitale, mais elle ennuie par sa beauté banale. En été, la foule se précipite sur les autoroutes pour sortir d'ici les rues vides. Et les cartes postales de la ville se ternissent. À cause des bas de caisse trop bas, on est panne. Des voitures coincées en équilibre sous les deux dames. En effet, notre classe moyenne XL. Dans le bon goût, le maniement de l'excès. Nos montagnes décrassées, les campagnes désertées, nos rivières polluées, les hivers durent presque une année. Mais si Saint-Thé était un paradis, on pourrait plus se plaindre et on tomberait dans l'ennui. Nos montagnes décrassées, nos campagnes désertées, nos rivières polluées, nos hivers durent presque une année. Mais si Saint-Thé était un paradis, nous passerait nos rêves et nos trésors. Galerie souterraine, légendaire, forêt libre, où les gens disent en cœur, mise encore sur les verres. Plein de rouge bien gras, plein de pâté en croûte, bien caillé en route, platane baiser, pas de plagueur, rêveur, écraseur de crâne, cradeur de pare-brise, écorce, craqueur, furant, tagueur, dégueulasse, galoché dans les trams et les traces de bave et de graisse datée. Trafic, patrie, jambon mousse, fourmi, faiblesse, paranoïa, hypoglycémie, grand rue, brouillard, vertige du haut du puits de mine, mairie en panne, tuning, pleine autopassion. Stockard, Makina, Karch, Exhibition. Lidl, Centre 2, Casino, Schlecker, Marché Plus, Coxy Market, Leclerc, Auchan, Taduni, Carrefour sans signalisation pour personne, sans permis, avec véhicule sur bas-côté. L'autre portière laissée ouverte et d'avertisseurs sonores tonitruants. Spectacle d'une foule en ronde, obstruant la voie à la carrée. Danse furibonde avec costumes locaux d'époque et défilé. Épique de chevaux sous capot fumant. Serpentin, fourmi humaine, cherchant l'ivresse sans se mordre la queue. Se tient prêt comme la fleur intestinale pour apaiser les malaises d'une ville à l'aube d'un futur critique. Qui vient de faire les farmelles, les beurs, j'avais la gorge debout comme un vrai gagarin. Pour récupérer le bus, tout m'acheterait place derrière. Alors j'ai pas brogé, je voulais pas faire ma chargille. J'ai donc laissé sous pas me présenter ses deux gnilles. Lui il est toujours là, à jambier ses constamment. Finalement, j'suis pas mécontent, mais trachiné de ses gens. Débarque comme la big appel en bim bam bam. Pop punchline en appel, abdo burger et bling bling clinko. Carcom, smack a girl for me. Camouflage par cas, bibi caca, le pile nan, de black panther en fer en folie. Voyant le fromage faire monter comme une arme communiste. Depuis j'ai bien changé. La première fois que j'ai entendu de Rika rap t'arrête. Je me suis dit mon quoi sous maintenant c'est clair le rap t'arrête. Mais non, Black Panther rien des bottes ma truche. Je me berge à cacassant sur l'instru. Les yeux sortent, moi j'adore ça, ça me rend dingue. Sa langue c'est guerre des gangs, c'est très belle shooting. Tu bouges l'âge de toi même tu sers en mes rappés. Ah mais hein, ça coûte pas plus cher bien rappé. 11 pouces, arrête place à 11. Bah vous tous là on touche pas, on me saoule pas 11. Bah, il était temps qu'on atterrisse, qu'on quitte enfin les cieux. J'entends les yeux, on le vend les yeux, bienvenue à André. C'est pour la Loire, dorénavant je la porte autour du cou. Slash mes bling bling pour un MF 91 au cou. Et au final la Loire c'est comme les États-Unis. Ils sont de même shit, femme Philadelphie tout souris. Yo, femme Philadelphie tout souris. The Black Panthers, human in the Santé, c'est Washington DC. Ils sont de même shit, femme Detroit tout son Dieu. Allez santé, teenagers dans la piscine. The more present, c'est comme New York mais au mieux. Santé, c'est Washington DC. Ils sont de même shit, femme Detroit tout son Dieu. juste dans la piscine. C'est comme New York mais en mieux. La panière sur le cœur, certains sont à blâmer mon cœur. Kaïsba et moi, on pige rien de son cœur. Comment on fait pour te défoncer, on te plaque contre le plexiglas. Que peuvent faire les petits français quand des mexicains. T'en as vu des mexicains, mais des mexicons légères, rien, rien. T'en trouves pas si tôt, mais dis d'un tel sac vitant. Même si au first name Bruno, on parlait de mon brise, on est de lent, you man. Vasseur, les rappeurs de manière, s'ils sont là, c'est pour l'argent, c'est décourageant. On est cerné par les phares à l'air. Arrête-toi, R&B, tu me fous la lourde, t'es moche, t'oses pas défier l'angère comme Dominique Rocheteau. Notre capitale santé, c'est la capitale santé. Comme Washington DC et leur capitale de la bas. Je peux t'affiner, je te dis direct, c'est pas le cake, Roger. Gros bas vu, j'suis le galopio, maillot cake, Roger. C'est bien les gars, on comprend pas, c'est ça qui est bête. Et son dialecte ? Parce que là, on se croirait franchement au Québec. Enfin bref, c'est pas encore le langage des signes. C'est tellement chaud santé qu'on la croirait construite sur des mines. Yeah, come on, say you some more from. I wanna get a hand on a witch, gonna front a hound. My eyes left on the street for the border beer. I want to get a hand on a hunch on the border. Pour finir, j'suis décontent, c'est Galapia, c'est pas des brels. Comme nous font la chanson, pas la musique de Kinarel. Pas un gars plus ceux qui l'ont inventé le rap américain. Par contre, ils connaissent nos balleurs, ils y jouent avec les mains. Je vais les emmener dans le chaudron, ou aller foutre mouiller le maillot. S'enfiler de trois canons pour aller voir gagner les verres. Eux, ils ont peut-être le pétrole, bah nous on a le plus curieux. Pas le même accent, mais la même patience, et ça la force des Black Panthers. C'est le Washington DC. Ils sont de même shit, sont du toit, tout son dieu. Allez, santé, gin et juice dans la piscine. Comme on vous dit, c'est comme New York, mais en mieux. Santé, c'est le Washington DC. Ils sont de même shit, sont du toit, tout son dieu. Allez, santé, gin et juice dans la piscine. Comme on vous dit, c'est comme New York, mais en mieux. Avec un jour sous une benne, qui la mangera sa portion, je te le dis moi. Yo, 895 Radio Duo, et là on a complètement piraté Charbonnaire, il n'y a plus personne de Charbonnaire au micro. J'ouvre les micros. Ouais. C'est marrant. Du coup, ce morceau de Black Panther, ça m'avait évoqué, on en a parlé comme ça pendant le morceau, qu'en fait on oublie souvent ce précédent MC Pampy comme ça. Eh ben oui, mais encore une bonne preuve, ça c'est vraiment un projet stéphanois, parce que outre effectivement le fait qu'il y en a deux sur les quatre qui rappent en gaga. C'est aussi, il y a un vrai esprit stéphanois, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait du rap sérieux, on faisait du rap des fois conscient, des fois très militant, etc. Et en même temps, le rap nous faisait vachement rire, on avait vachement envie de se moquer du truc. Et avec Piloufaz, Warwick, Dan de Red Bong et moi-même, on décide de créer un truc qui s'appelle les Black Panthers, où en fait, avec deux identités, donc deux rappeurs américains qui sont Ouzba et MC Bouboul, et MC Pampy et Soupa l'Oignon, qui sont des MC stéphanois, et de créer en fait une sorte de rap, de jeu de rôle avec quatre connards qui racontent n'importe quoi, et voilà. Mais il y a vraiment un truc qui s'est créé à ce moment-là, où on faisait des soirées et on commençait à rapper. C'était une sorte de soupape un peu à nos projets un peu sérieux. Voilà. Qui c'est qui était aux instrus ? J'ai pas. Et donc les instrus c'était, alors là je crois que l'instru c'est Fab, justement c'est Fab de Red Bull qui fait cet instru, mais il y avait plein d'instrus aussi de Piloufaz, il y avait d'autres trucs. Là ce qu'on entend aussi c'est shout out to DJ Oleg, qui est pour moi le meilleur DJ hip-hop de Saint-Etienne de très loin, très bon scratcher, etc. Et qui là fait tous les scratchs à la bouche sur le morceau, parce que tous les scratchs qu'il fait là, c'est tout est fait par sa propre bouche. Et donc c'est complètement con, et on se faisait beaucoup rire, et voilà, c'est ce qui a créé aussi après, ce qui a créé tout l'engouement autour de Pompi, etc. Et alors là, on a parlé des temps immémoriaux, comme ça, de ces temps des années 2000, 2010, là, en 2000 et 2010, et après il y a ce post-2010, là, comme ça. Qu'est-ce que vous faites pendant qu'est-ce ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe après? Putain, moi c'est l'usine, quoi. Toi, tu travailles à l'usine ? Ouais, du coup, voilà, c'est Split, Méchants Enfants, tout ça, un peu... Et alors, justement, moi, j'aime bien aussi repartir un petit peu sur ce qui fâche, comme ça. Ça s'arrête sur quoi, les Méchants Enfants ? Oh putain, il est polémique. Non, mais je vais fâcher... en fait, je vais fâcher le milieu techno qui nous écoute. En fait, ça split sur un constat qui est que... qu'en fait on n'en peut plus de... Voilà, nous on s'était fait saisir deux ou trois fois pour Enfin voilà, des fois, t'es derrière tes platines, tu te dis, putain, il y a 20 personnes dans la soirée, ça craint. Et en fait, tes potes te disent, non, en fait, il y a plus de 500 à 600 personnes, quoi. Et en fait, tous les gens sont dans leur camion. Dans leur voiture, dans les camions, à se défoncer la gueule. Moi, j'ai rien contre la défonce, hein. J'ai été peut-être le plus gros drogué de mon époque. Enfin, tu voilà, je... Mais juste... Si tu te défonces, faut que ça amène à quelque chose en fait. Et enfin voilà, et que au bout d'un moment, on avait même fait un jour le projet de faire une free party où on accueillait les gens avec un CD. On faisait une fausse donation. On faisait une fausse donation où on donnait le CD aux gens et à leur dire bah nous en fait on a plus de son de système à se faire saisir. Donc voilà, on t'a fait un petit CD, tu mets ça dans ta voiture, vu que de toute façon tu passes ta nuit dans la bagnole, ça changera rien. T'es bien accueilli dans la table, déjà direct. Et après leur dire, c'est une blague, le mur est 500 mètres plus loin, quoi, voilà. Mais c'est... Et puis aussi le constat du serpent qui se mord la queue. On parlait tout à l'heure d'ouverture musicale, de... Et moi voilà ce que je reproche. Et ce que j'ai reproché dès le début et encore maintenant à la techno, c'est que les mecs n'écoutent que de la techno. Au début du mouvement, ce mouvement, il venait en fait, voilà, il a été créé par des gens qui écoutaient du punk, du rock, du hip-hop, de tout. Et ça a amené la techno. Et il y avait des influences de tous les côtés. Et en fait, maintenant... Enfin, les mecs s'influencent de la techno pour faire de la techno. Et je trouve, voilà, c'est... Enfin, le mouvement free party, hein, après, dans l'électro en général, il y a plein de... Mais vraiment, dans le techno free party, je trouve, voilà, quoi qu'à un moment donné, faut amener un truc plus frais, en fait. Enfin, voilà. Moi, on m'a fait écouter des morceaux il y a un an de ça. Ouais, regarde les derniers trucs hardcore qui sont sortis. J'ai écouté, je dis, non, mais tu rigoles. C'est, en fait, c'est ça qui sort maintenant. Et j'ai fait écouter des trucs qui sortaient il y a 15 ans en arrière. Je fais, regarde. En fait, c'est le même truc. En fait, c'est le mec qui a juste changé le son de sa basse, le son de son charlet et la mélodie. Mais c'est exactement le même. Enfin, il n'y a rien de nouveau, quoi. Et alors, vous, les vieux. Vous, les vieux, maintenant. Qu'est-ce que vous voyez dans les élans stéphanois maintenant qui vous ferait dire « Ah, chouette !» Il se passe quelque chose, il y a de la relève, et finalement, même s'il n'y a pas eu transmission comme ça, eh ben, il se passe encore quelque chose qui est en lien avec un petit peu, ou qui est radicalement différent, qui est quelque chose qu'on a loupé, qu'on n'a pas fait, mais dans les trucs là maintenant, de maintenant. Moi, il y a des. En termes d'initiative. Moi, beaucoup hip-hop, je trouve que. Enfin, voilà, avec le pied de biche, pour avoir fait beaucoup d'open mic hip-hop. Enfin, Crayon peut en témoigner, on a pris des petites claques par des petits jeunes qui arrivent là. Enfin, ouais, et puis maintenant ils sont grave structurés. Par exemple, on parle de, je sais pas, il y a la Big Eye Prod par exemple, où c'est gars au moins de 30 ans ou à peine 30 ans, ultra structurés, plein de projets différents, un vrai collectif, une chaîne Twitch. Ils sont soit décorateurs, techniciens, rappeurs, etc., musiciens, etc. Ils sont super organisés. On peut parler aussi des T2O qui maintenant sont les patrons du clapier, qui sont pas si jeunes que ça, mais quand même beaucoup plus jeunes que nous. Je pense que au moins 10 piges, voire 15 que nous. Hyper structurés aussi, super intelligents, ouais. Avec une envie de Je pense que là où je rejoins les gens, c'est des mecs qui aiment bien la teuf. C'est-à-dire qu'ils aiment bien faire les trucs, proposer des choses intéressantes aux gens, et en même temps que tu t'arrives dans la soirée, en fait, tu sais que tu vas t'amuser. C'est aussi bête que ça. Pas, ils vont présenter leur truc un peu, et qu'il y aura la barrière du quatrième mur, du style où nous on est sur scène et vous êtes dans le public et tout. Non, il y a vraiment un délire de partage que je retrouve un peu de façon différente, parce que je pense que, on l'a dit, ça fait une heure et demie qu'on en parle, mais nous, ce qui nous retrouvait aussi, c'était l'engagement probablement politique, et je pense que l'époque n'est pas la même, donc l'engagement politique n'est pas le même, il ne se traduit pas de la même façon, je crois, mais c'est des gens qui savent faire des choses, qui proposent des choses de qualité de ouf. Et alors, dans les dernières soirées comme ça, j'ai envie de dire, on parlait de musique électronique à Saint-Étienne, les dernières soirées électroniques comme ça qui vous ont surpris, tarté, à synthé. Moi je continue à être toujours tarté par Positive Education quand même. Hein. Je sais que ça, des fois, ça fait grincer un peu les dents de gens qui. Mais il y a vraiment une volonté, effectivement, à très grande échelle, mais quand même de proposer un truc de qualité. Et ultra reconnu partout et tout. Je trouve que voilà, je suis assez admiratif de ce qu'ils ont pu faire au gré des années, d'une façon ou d'une autre. Après, je te dis, j'étais à la soirée Big Eye Prod vendredi dernier, c'était vendredi ou samedi, je me souviens plus. Au Clapier, c'était super bien. Enfin, il y a des vraies initiatives. Ils continuent et puis il se passe tout le temps des trucs à Saint-Étienne. En ce moment, il se passe tout le temps des trucs et je loupe tout le temps des trucs parce que je suis à une soirée et il se passe d'autres trucs en même temps. Et toi, Jules ? Moi, je suis beaucoup plus critique que ça. Je t'attendais là-dessus. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te regardais quand j'ai dit ça. Alors moi, c'est pas pour cirer des pompes, hein, c'est juste, enfin, moi à l'heure actuelle, il y a un crew à Saint-Étienne que j'aime beaucoup, c'est la Charbonnerie. Et je dis pas eux. Non mais je lui ai filé un billet pour qu'il dise ça. Je dis pas ça pour cirer des pompes, mais en fait ils sont ultra actifs en vrai. Ils ont une énergie de ouf. Et enfin voilà, je trouve que ce qu'ils proposent, c'est cool. Faudrait peut-être proposer plus de choses, mais déjà ce qu'ils proposent, c'est vraiment cool et cette énergie. Après, en vrai, à l'heure actuelle, en électro à synthé, j'ai beaucoup de mal. Moi, Positive Education, pourquoi pas. Après, c'est vraiment pas ma cam. C'est vraiment pas du tout ma cam. Après, il y a quand même une diversité, parce que t'as parlé bien de T2O, il y a Pot-au-feu, Syndrome Odyssée. Ils font des soirées de ouf, Syndrome Paris. Il y a des trucs. Il y a quand même un moment... Il y a des trucs. Très très riche et très varié, et je trouve que c'est une ville, moi je suis pas stéphanoise à la base, mais je trouve que c'est une ville où il y a de la place en fait. Ah ouais, de ouf. Il y a de la place, et c'est vrai qu'en hip-hop j'ai l'impression qu'il y avait un peu un creux, justement. Là ça revient bien. Et que la Big Eye, elle prend une place qui était... Pas seulement, parce que tu vois, t'as des mecs comme Edgar, t'as des mecs il y a plein de gens, et ils font des choses que moi j'aurais pas fait à l'époque. On n'a pas le même âge, etc. Ils ont un délire, des fois, des orientations plus pop que nous, on aurait pu l'avoir, etc. Mais hyper sincère en même temps. C'est hyper sincère, c'est hyper bien foutu. Comme je le disais, il y a moins d'engagement. Donc peut-être je me reconnais moins sur le fond. Mais en tout cas, sur la forme, je suis hyper admiratif, en tout cas. En vrai, moi, niveau hip-hop, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je trouve que, justement, il y a plein de gamins qui émergent, plein de crews qui émergent, et enfin voilà, il y a Baramine Crew qui quand même sont bien bien actifs sur la scène, qui organisent plein de trucs, et notamment beaucoup à la Gueule Noire et tout. On parlait des liens, hip hop rock, des liens, des fusions un peu à synthé, ça en fait partie. En électro, il y a Rémi Rem aussi. Il y a Rémi Rem qui frappe l'arbre aussi. Hein. Comme tu dis, la Big Eye qui propose un truc et tout, qui est vraiment bien carré, bien fait. Il y a je trouve qu'il y a vraiment des bons rappeurs et des bons trucs qui arrivent. Après, ça marque peut-être moins les gens maintenant, parce que maintenant, c'est beaucoup des carrières solo, en fait, des trucs solo. Bah c'est peut-être pour ça que je parlais de la Big Eye, parce que c'est un collectif et du coup ça aide aussi à avoir un peu plus de d'ancrage. Il y avait la Manufracture qui proposait quand même un truc de dingue. Enfin voilà, moi c'est un... Enfin, et c'est pas parce que c'est mes potes, hein, mais c'est un des meilleurs groupes que j'ai vus sur scène. Je parle en groupe local, hein, enfin voilà, mais un des meilleurs que j'ai vus sur scène depuis tellement longtemps, quoi. Ils avaient une pêche et tout, enfin voilà. Puis qu'ils se sont séparés, j'ai pas vu les aborigènes, du coup, leur nouvelle formation et tout. Mais je sais que ça doit être bien, de toute façon. Alors, c'est marrant. Mais il y a quand même énormément de trucs en hip-hop, quoi. J'ai un retour d'une auditrice, qui est aussi animatrice de l'émission qu'on ne saurait que présenter ce soir, puisqu'on parle de scène de musique électronique, du coup, qui fait La Boîte à Bordel un dimanche soir par mois sur Radio Dio, et qui fait ce retour comme l'émission que tu m'as conseillé d'écouter. Que je t'ai conseillé d'écouter, exactement. Et ben du coup, qui fait ce retour et qui dit je suis pas d'accord, on n'écoute pas que de la techno, et arrêtons le clivage basse-techno. Voilà. Mais on est pour, on est pour. Carrément. Par contre, je suis d'accord avec cette personne. est-ce qu'on peut la citer du coup? Non, je me permettrai pas. Écoutez la l'animatrice de la boîte à bordel okay. Un dimanche par mois. Elle s'appelle Jasmine. On va dire. Voilà, on va dire Jasmine X. Moi, tu m'as pas posé la question, mais je vais inventer et je vais répondre quand même. Tu sais, pour la soirée. Eh ben, on peut faire un big up à l'équipe des Mongols en fait. C'est la fameuse soirée du hangar qu'il y a eu cette année parce qu'on parle de la scène underground. Et je pense que eux aussi, ils font vraiment partie des nouveaux acteurs des scènes au tunnel. Et celle du hangar, je pense qu'on s'en rappelle tous. C'est eux qui faisaient les soirées sous le tunnel. Et le courrier l'avait. Ouais, c'est ça, ces fameuses soirées qu'ils appellent les tunnel parties, du coup. Ça, et qui sont des sortes de soirées sauvages et qui reconnectent vraiment avec cet esprit, envie de dire. Avec des membres des arts du forêt aussi. Et occupation sauvage, et voilà. Ouais. Et aussi avec ce truc qu'on peut lier à ce que vous racontiez, c'est que leur soirée électronique, c'est loin d'être des soirées techno, et t'as des live machines complètement noise au milieu, des sortes de sets qui ressemblent à rien de la techno, et tout ça dans une sorte d'ambiance d'occupation sauvage et conviviale. Et... Ça, on en parlait tout à l'heure, la techno, c'est... Fin... Faut pas confondre, comme elle disait, voilà, en fait, la musique électronique est trop vaste pour la réduire à la techno. En fait, la techno, c'est juste... On parlait du rock. C'est une petite branche de la musique électronique. On disait tout à l'heure, pour moi, il y a des groupes des années 70 qui sont très électro parce qu'il y avait quasi pas de guitare et que des synthétiseurs, et c'est des synthétiseurs de l'époque, hein, mais ça reste quand même de la musique électronique avec des boîtes à... Enfin, voilà, enfin... C'est la musique électronique, c'est tellement vaste de toute façon qu'on peut pas. J'avais encore un blind test à vous proposer. Ouais, allez, justement, ils sont trop durs, tes blind tests. Pour tester votre culture. Il y a encore juste un kick, un charlet, c'est ça. Et vous allez voir, c'est pire que ça. Alors attention, ça va démarrer. Est-ce que ça se lance? Ah non, ça se lance. Chantal Goya. Attention, faut aller vite parce qu'il y a. Six-pack ? Ouais, mais c'était pas ça. Mais c'était ça ou pas ? Le morceau, c'était ça, mais c'était... J'ai un pion ? T'as un pion, mais c'était pas ça, justement. C'était toujours tiré de la compil de Furania. On va y arriver. C'est vomi, ça. Et alors là, c'est là où je trouve que c'était un beau point final à ce truc. C'est que vous imaginez, vous, les technoïdes qui réagissent aussi vite comme ça. Je suis pas technoïde, moi. Mais ouais, parce que c'est synthé, au fait, Vomi, tu les as vus mille fois, Sixpack pareil. Et moi, j'étais dans un groupe de punk, moi, à l'époque, le premier concert qu'on fait au Cré de Lyon, dans un endroit... je joue en première partie de Sixpack. Avec Los Dedos, c'est un groupe de l'époque. Los Dedos, ah, tu nous avais pas dit ça. C'est le hardcore mélodique, ouais. Trouvez les vidéos, vite. Je crois qu'il y a rien. Le mot de la fin. Furieux Surania, spécial, ouais, merci. Et puis la soirée du 25, je crois qu'il, je sais pas s'il reste encore des places, mais il faut venir, parce que là, il y a une très belle compile, très, très bon, très joli bouquin, et super initiative qui retrace, voilà, tout ce qu'on a pu dire, en fait, c'est-à-dire que Saint-Etienne, c'est 40 ans de musique, avec des gens qui se connaissent ou pas entre eux, mais en tout cas qui partagent, on va dire, le même état d'esprit, voilà, c'est ça. Sacré objet, quand même, compilation 4 vinyles avec un livre, et voilà. Et du coup, je rappelle aux auditeurs que ça se passe au Méliès le 25 novembre. Le 25 novembre. Et du coup, qu'il y a 4 vinyles avec du coup tout style confondu de la scène underground de 1980 à 2020, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais, alors corrige-moi si besoin, mais c'est pas en vente. Eh ben, en fait, pour le moment, ça arrive. Ils sont pas très clairs. Le modèle économique, ils sont pas très clairs. Vraiment, c'est underground, quoi. C'est que moi, je vais avoir un exemplaire. En fait, ce qu'il faut, je dirais que ma façon de répondre à ça, ça serait plutôt que dans l'élan, ils se sont pas posés du tout la question de la rentabilité. Ils l'ont dégagé, cette question, et leur objectif, c'est que ça tourne et que surtout l'objet, il aille en direction des gens qui ont fait vivre justement et qui font vivre encore actuellement tous ces élans comme ça locaux. Ouais. Et ben en tout cas voilà, sachez que vous pourrez sans doute, j'espère pour vous, avoir accès à ces objets. Du coup, quasi deux semaines, il y a Jules qui me fait des signes. Je comprends pas parce que je dis pas le langage des signes. Et pour clôturer, on va envoyer le morceau. Je peux vite parler. Parce que alors, moi, j'avais pas du tout calé ça. Calé un morceau de la Charbonnerie justement pour finir. Non mais écoute comme tu veux. Mais dites-moi sinon. Parce que j'avais il y avait une sorte de petit inédit qui est en fait un live qui se passait à la Cour des Sons. À la Cour des Sons à l'époque, ça se passait au PAX. Et en fait, il y a un freestyle où justement qui retrace un peu tous les gens dont on a parlé. Donc il y a forcément Red Bong puisque c'est nous qui sommes sur scène à ce moment-là. Mais on invite à ce moment-là Rumstick, d'Astacien Pré, Pitre de KNX, il y a Meja de Full Faya, il y a Fisto de la 5e colonne, il y a tous ces gens-là. Et en fait, c'est un freestyle de 8 minutes et c'était un beau moment assez cool. Sur le moment, et je crois qu'il y a d'ailleurs encore une vidéo sur YouTube, je crois que vous pouvez la retrouver sur YouTube. Alors c'est l'autre dossier, c'est marrant parce que pendant ce temps qu'on parlait, je recevais encore un texto, on est définitivement hyper écoutés sur cette émission. Putain, c'est dingue. Et en fait on me dit, je sais pas si c'est une blague, si la compile c'est 50€ le prix de la compile du bouquin. Ah bah voilà, du coup je pense qu'il faut à mon avis minimum prévoir une centaine d'euros. Il faut qu'on arrête de dire de la merde en fait dans cette émission. Ouais. En fait il y a le CSA qui nous écoute. merci les auditeurs et auditrices pour nous écouter. Il reste 10 minutes encore et Pac doit gérer la technique et le direct. Alors, je me souviens plus le morceau que vous avez dit. C'est marqué, ça doit être marqué Red Bong, Fit, Fisto, Meja, KNX. Tu dois avoir le fichier. Très bien. Eh bien, promis, je vous le passe. En fait, je vais faire quand même ce que j'ai pris. Et là, il y a toutes les TGSIA stéphanoises des années 2000 qui rappent dedans. Et moi, le mien, c'est A210. Eh bien, on va finir par ça. Et avant ça, on va quand même s'écouter un morceau de la Charbonnerie qui me permettra de caler les autres, parce qu'il y avait eu beaucoup de chapeaux à leur action locale actuelle. Et on va s'écouter Dub Mentalis avec le morceau Teenage Yariae. Très bon Dub Mentalis qui est sur la compile aussi. Merci, très très bon Dub Mentalis. Merci. We'll be right back. We'll be right back.